the king of the harmonica, Sir Sonny Boy Williamson. La lumière a disparu des hommes, la vanité construit son royaume, un royaume de cris et de douleur pour les plus offrants. L'arbre de vie a brûlé il y a si longtemps. Mes enfants, j'aimerais chanter la joie, mais j'ai tellement mal. J'ai vu le mal détruire mon mental. L'homme et le diable, il tue, détruit, mauvaise conscience incontrôlable. Les fils de l'homme cherchent Dieu, aucun ne le trouve. La perception est perdue, les portes s'ouvrent. Plus rien ne prouve l'existence d'une nature intérieure en silence. Oui, silence et bonne conscience. Sorcellerie dans mes gènes, je sais ce que tu penses. Il eut un jour sans force, des années en ennemi, silence sans force. Destruction du bonheur, vivre 20 ans passés dans le malheur. Puis dans le malheur, j'ai connu ma sœur. Alors je chanterai ma sœur, le bonheur. J'aime Jésus, je suis le fils de l'homme, j'ai survécu. Putain, qui aurait cru que je commencerais seul et finirais seul? Mes meilleurs amis m'en veulent. J'ai vu un monde sous un œil bienveillant, de bonne conscience en subconscient. L'homme et le diable, il tue, détruit, mauvaise conscience incontrôlable. Sachez que le prophète a une prophétie, que le bonheur est ici, que le bonheur est ici. Soyons bénis, bénissons nos ennemis aussi. J'ai vu un monde sous un œil bienveillant, de bonne conscience en subconscient. L'homme et le diable, il tue, détruit, mauvaise conscience incontrôlable. Sachez que le prophète a une prophétie, que le bonheur est ici, que le bonheur est ici. Soyons bénis, bénissons nos ennemis aussi. Un monde sous un œil bienveillant, de bonne conscience en subconscient. Je suis silence, j'aime la vie, je vous avoue. Le hip-hop par-dessus tout. J'aimerais que vous, mes frères, puissiez vivre. L'intelligence ne se trouve pas dans les livres. Pour vous, une vie meilleure, ne cherchez pas ailleurs. Le bonheur est ici. Construis toi, toi-même, où le prophète a une prophétie. Suis le chemin de la sagesse. Le juste sera débarrassé de ses faiblesses. Putain, la sottise tue sous cette rue. Son prophète vous a bien eu. Exactement, le créateur a besoin d'enfants, d'enfants courageux comme avant. Construisez l'avenir, sachez bénir le peuple à venir. J'aime ma sœur, la torture a fermé mon cœur. Un cœur qui bat plus noyé dans la douleur. Putain, mauvais coup, c'est la mort. Mes ennemis animent mon destin, mauvais sort, oh mauvais sort. Silence pour mon silence, patience. J'ai vu un monde sous un œil bienveillant, de bonne conscience en subconscient. L'homme et le diable, il tue, détruit, mauvaise conscience incontrôlable. Sachez que le prophète a une prophétie, que le bonheur est ici, que le bonheur est ici. Soyons bénis, bénissons nos ennemis aussi. J'ai vu un monde sous un œil bienveillant, de bonne conscience en subconscient. L'homme et le diable, il tue, détruit, mauvaise conscience incontrôlable. Sachez que le prophète a une prophétie, que le bonheur est ici, que le bonheur est ici. Soyons bénis, bénissons nos ennemis aussi.